traverse, qu'il emprunte, qu'il soit l'ivresse. Quand les dieux aura-t-il enfin ne plus graver son destin avec l'aide du chagrin qu'il tient bien serré dans sa main. Facilement la conduite de ses affaires en souffre régulièrement. Quand l'aignera-t-il enfin cesser d'être ce vilain que brocardent les coquins qui sont de loin les plus malins. Où meurent les espoirs du matin.